FN, la radio nouvelle génération. Il est 17h sur Madness la radio, on est le dimanche 25 mai et c'est la première du débrief. On parlera info dans quelques instants, puis le dossier de la semaine auquel vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, hashtag MDNS. Donnez vos opinions et idées d'infos également, on satisfera aussi les fans de sport et culture évidemment. Mais avant tout cela, on s'écoute I Will Never Let You Down de Rita Ora. Madness. Ensuite, les 7 infos, on retrace l'actu marquante de la semaine jour par jour et on commence avec le lundi 19 mai. Il y a 2 mois et demi, Jérôme Kerviel, ex-courtier de la Société Générale, avait entamé une marche jusqu'à Rome depuis Paris. Il avait même rencontré le pape. Hier, alors tout juste arrivé à Menton, la police l'interpelle sur le coup de minuit, heure à laquelle il devait se présenter aux autorités. Il ne s'y oppose pas et monte dans la voiture de police sous les applaudissements et énervement contre la violence, je cite. Écoutez Richard Amalvi, membre actif du comité de soutien de Jérôme Kerviel. Jérôme, il a pris ses responsabilités. Une des questions, c'est de savoir si l'État a pris les siennes. Jérôme Kerviel a été emmené à Nice pour y être incarcéré afin de purger sa peine de 5 ans de prison, dont 3 en ferme, pour avoir provoqué des pertes colossales de 4,9 milliards d'euros à la banque. Il aurait dissimulé ses prises de risque, mais l'ex-courtier dénonce le fait que des témoins n'osent pas témoigner en sa faveur de peur de perdre leur poste. Autre petite info, François Hollande avait assisté ce lundi à la finale d'un concours d'improvisation par des collégiens dans un théâtre parisien, concours parrainé par le célèbre Jamel Debbouze. Les ministres de la Culture et de l'Éducation nationale y ont aussi assisté à partir de 16h15. Pour ce mardi, on va parler du film Welcome to New York. On évoquera le film en lui-même dans le JT Culture. Mais vous pensez bien que cette histoire inspirée de l'affaire DSK fait polémique. Le film aurait fait 48 000 spectateurs, d'après son producteur, à sa mise en ligne. Et oui, le film n'est pas passé par la case cinéma, mais bien par le système direct tout VOD. Un autre chiffre est donné par la société Real Bunch qui a produit ce film, 90 000 spectateurs, en admettant que les téléchargements du film atteignent 2 personnes. Pour sa première mondiale, ce film n'a pas été projeté au Festival de Cannes, mais dans un cinéma de quartier proche. Une plainte a été déposée par Dominique Strauss-Kahn pour des insinuations à l'affaire du Sofitel. Il est traité de violeur d'après son avocat Jean Veil, mais son ex-femme Anne Sinclair a décidé de ne pas porter plainte. L'ancien dirigeant du FMI n'a pas regardé et ne regardera pas ce film. Écoutez son avocat au micro d'Europe 1. Monsieur Maraval s'est mis comme un coucou cinématographique à essayer de prendre, d'obtenir et de profiter du Festival de Cannes pour essayer de faire croire que son film était un film maudit, mais un film bon. La vérité, c'est que c'est une merde. Et ce mercredi 21 mai, on parlera encore de films et de streaming. C'est l'annonce de l'arrivée de Netflix en France d'ici la fin 2014. Le système est simple, un abonnement mensuel permet aux usagers de profiter pleinement d'une large sélection de films et de séries télévisées. Une sorte de Deezer pour films. L'abonnement est actuellement de 8$ aux États-Unis. Ce service américain s'étendra dans 6 pays d'Europe. Le service sera dispo sur smartphone, télévision et ordinateur. The House of Cards ou The Square sont par exemple disponibles aux États-Unis. À noter que ce service ne permettra pas de regarder les chaînes de télévision. Un vrai bouleversement pour le paysage audiovisuel français et surtout pour Canal+, qui avait l'habitude d'avoir le monopole de certaines séries croustillantes. 30% du trafic internet américain est dédié à ce service et un Américain sur 10 en profiterait. Autre actu insolite, cette fois-ci à la SNCF. Les 200 nouvelles rames commandées par la société à la RFF nécessite une adaptation de 1300 quais, non prévue initialement. Les TER commandés à Alstom et Bombardier sont trop larges, 10 cm de part et d'autre selon le Canard Enchaîné qui a révélé l'affaire. La facture des travaux s'élève tout de même à 15 milliards d'euros. La RFF aurait déjà corrigé 300 quais et affirme que ça n'est pas une boulette. Et on a pris connaissance le jeudi 22 mai des nouveaux mots qui figureront dans l'édition 2015 du Robert de la langue française à paraître mercredi prochain. Mis à part vapotage, zumba et comics, ce sont les mots high-tech qui prennent la vedette comme le hashtag, le selfie, le MOOC, c'est-à-dire le cours libre et massif en ligne, la cyberattaque et même le troll qui est la plaie des réseaux sociaux. Un choix difficile à faire selon le conseiller éditorial, prix du dictionnaire 59 euros. Actu plus sérieuse pour terminer la première partie des 7 infos. C'était un débat de grande envergure qui s'est déroulé dans l'émission Des paroles et des actes sur France 2. Alors à 3 jours du scrutin des européennes, Stéphane Le Foll, François Bayrou, Jean-François Copé, Yannick Jadot, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont affrontés durant 2 heures. Ce qui est évidemment ressorti, c'est la question de l'immigration et celle de l'espace Schengen. On en reparlera dans le dossier de la semaine qui sera consacré aux élections européennes. C'est la fin de cette première partie des 7 infos. La suite dans quelques instants pour l'actu jusqu'à dimanche. Mais avant ça, on s'écoute She Looks So Perfect de 5 Seconds of Summer sur Madness. Madness. C'est la suite des 7 infos. On revient sur l'actu marquante à partir de vendredi et jusqu'à aujourd'hui. On l'a appris vendredi, cela a fait la risée des réseaux sociaux. François Hollande, qui s'était rendu en Falcon à Tulle pour voter lors des dernières élections municipales, ira ce dimanche en voiture dans son fief. On lui avait reproché le coût de son trajet, 9200 euros. Le président devra tout de même effectuer 10 heures de route en total. Il sera de retour à Paris avant 20 heures afin de pouvoir suivre les résultats des élections. En Thaïlande, le général Prayut Chan-o-cha a effectué un renversement du gouvernement par l'armée thaïlandaise. C'est donc l'armée qui a pris le pouvoir par une intervention télévisée, un écran fixe avec de la musique militaire pendant une heure tout d'abord, puis le général annonce la prise du plein pouvoir après des négociations avec des protagonistes depuis 7 mois. La loi martiale a été instaurée mardi dernier. Il y a actuellement un silence dans les villes à cause des couvre-feux et heures de transport en commun restreints. L'armée est de plus en plus déployée dans le pays. À noter tout de même que cela fait le 19e coup d'État depuis 1932. Anniversaire insolite, le samedi, on a fêté les 5 ans du musée Hergé en Belgique. À cette occasion, on pourra visiter une exposition qui se tiendra du 23 mai au 26 septembre. Exposition sur le sculpteur Nat Neujean, cher à l'auteur. Tintin en 3D sera donc visible. Alors que la marque HP avait déjà prévu une suppression de 34 000 postes, 16 000 seront ajoutés. La marque est en pleine restructuration en marge des résultats trimestriels. HP se porte bien avec une progression des résultats de 18% malgré une diminution du chiffre d'affaires de 1%. Répercussion immédiate donc sur l'action HP en bourse avec une baisse de 2,28%. HP exprime dans un communiqué que la marque veut atteindre ses objectifs et être compétitif. C'est sûrement un des mariages les plus médiatiques du moment. On fait que d'en parler ce dimanche. Le rappeur Kanye West et la star de télé-réalité Kim Kardashian devraient s'être dit oui hier à Florence et non pas à Versailles comme ce fut initialement prévu. Les fans ont envahi l'endroit où étaient aussi conviés d'autres stars comme Justin Bieber qui n'était pas loin puisqu'il était il n'y a pas si longtemps à Cannes. Autre actu après la polémique, une femme se nommant Alik Aïda n'est plus sur la liste noire des États-Unis. Elle n'avait pas pu prendre l'avion à cause de son nom se rapprochant du groupe terroriste Al-Qaïda. La femme avoue dormir mieux et être à présent rassurée de ne plus être considérée comme une terroriste. Elle devra tout de même voyager avec un numéro de réparation remis par les autorités, une sorte de laissez-passer. Et l'autre info de ce dimanche, c'est bien sûr les élections européennes. Eh bien, on en reparle dans le dossier de la semaine, après Liar Liar de Chris Cab, qui arrive tout de suite sur Madness. Madness. Et à présent, le dossier de la semaine, il sera plus court que les prochaines fois, car vous pourrez participer aux prochains dossiers qui seront faits pour ça. Et le sujet de cette semaine, c'est bien sûr les élections européennes. Les 24 et 25 mai 2014, les Français seront appelés aux urnes pour élire le nouveau Parlement européen, c'est-à-dire aujourd'hui. Le scrutin désignera les noms des 74 eurodéputés qui représenteront la France au sein du Parlement de Strasbourg. Lors des élections européennes, le territoire français est découpé en 8 circonscriptions interrégionales. La France disposera de 74 des 751 sièges qui formeront le Parlement européen. Vous élisez aussi aujourd'hui le le président de la commission, 5 candidats pour un poste seulement, qui était occupé par l'allemand Martin Schulz, qui se représente et qui est un des favoris avec le luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Un problème que les européennes risquent de subir, c'est bien sûr l'abstention en France. Et un élément pourrait aggraver le cas, c'est la durée express des campagnes menées cette année. À midi, la participation était de 15,70% seulement, chiffre inquiétant. Et le FN a accusé dans les alentours de 15h30 le gouvernement de trucage des votes. Le parti a pour objectif 20% des votes afin de former un groupe parlementaire. On rappelle que le FN ne veut pas de l'Europe. Cap à présent sur les sondages Opinion Way de ces européennes. 23% pour le Front National en tête, tout comme l'UMP. Le PS-PRG continue sa déroute avec 16% des sondages. L'UDI-Modem serait crédité de 11%, suivi de près par les écologistes avec 9%. Et le Front de Gauche aurait 7%. Et on rappelle qu'en dessous de 5%, un parti ne peut pas avoir d'élu. Et c'est le cas pour Debout la République et Nouvelle Donne, ayant respectivement 2,5 et 3% dans les sondages. Aujourd'hui, les votes font appel à des manifestations comme les Femmes à Hénin-Beaumont, un peu avant que Marine Le Pen aille voter dans la ville. Un autre mouvement apparaît aujourd'hui sur Twitter, c'est le selfiezoir, le fait de se prendre en photo dans les urnes, un acte qui est susceptible d'être poursuivi en justice. Dernière actu, ou plutôt buzz, c'est Ella Aarnos. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette candidate finlandaise de l'Alliance de Gauche qui a tenté de répondre en français à une question d'une journaliste sur la chaîne nationale. Il est un grand moment de solitude. Ella Aarnos, pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire à l'Union européenne? Oui. Pourquoi? M'excusez-moi. Pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire? Moi? L'Union, oui. L'Union européenne. Pourquoi? Je veux voir. Pense que je veux. Et c'est la fin du dossier de la semaine. Dans quelques instants, le JT Sport. Mais avant cela, un peu de musique avec Come Around de Bernoft et Hey Brother de Avicii. Oh my god! T'aimes Madness? Yeah. Connecte-toi sur la page facebook.com/madnesslaradio. Madness la radio. Et clique j'aime. Une radio, tous les styles. Madness. Le JT Sport, tout de suite, on revient sur l'actu sportive de ce dimanche. Le Real de Madrid s'est offert hier sa 10e Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité sur un score de 1-1 grâce à des buts de Godin et Sergio Ramos. Mais en 23 minutes, Bale, Marcelo et Ronaldo inscriront encore 3 buts. L'Atlético fera face à un coup dur dès les 8 premières minutes de jeu. Diego Costa, alors incertain au début de match, doit sortir en boitant. L'Atlético inscrit malgré tout le premier but de la rencontre à Lisbonne. À la fin du match, les festivités ont viré au drame. Plusieurs milliers de supporters ont fait la fête, mais pas moins de 231 personnes ont été blessées, selon l'AS. Des maux de crâne, entorses, etc. 37 personnes d'entre elles avaient déjà été transférées à l'hôpital. L'UEFA a sanctionné le PSG par un fair-play financier encore peu clair. D'après le site But, la soi-disant enveloppe de 60 millions d'euros à ne pas dépasser pour de nouveaux transferts n'est pas inscrite dans la sanction. Ce serait juste une réduction de 30 millions d'euros qui serait imposée au club parisien qui vient d'accueillir David Luiz dans ses rangs pour la saison prochaine. Le PSG et Chelsea ont eu un accord pour libérer le défenseur brésilien. Coût du transfert, 49,5 millions d'euros. Hier, on a vu Zinedine Zidane lors de la finale de la Champions League. Il était adjoint du Real, mais déjà les médias et les réseaux sociaux ont remarqué qu'il était plus qu'un adjoint. Sur les images, on peut le voir à côté de Carlo Ancelotti donner des ordres ou conseils aux joueurs avec un sacré engouement. Durant cette semaine, le Français a eu des contacts avec Bordeaux pour succéder à Francis Gillot, entraîneur des Girondins. Mais l'accord ne s'est pas conclu positivement, comme l'indique le président qui affirme aussi que le problème de Zinedine est son attachement au Real. On va parler rapidement des résultats NBA. C'est actuellement les finales de conférence entre les Spurs et les Thunders et les Pacers contre les Heat. Les vainqueurs de ces finales de conférence s'affronteront pour la finale. Lors du match 3, les Heat ont gagné 99 à 87 contre l'équipe de Paul George, les Pacers. Ils sont vainqueurs pour l'instant de 2 matchs sur 3. Ce soir, les Spurs de Greg Popovich affronteront dans le 3e match les Thunder. Les Spurs mènent 2 matchs à 0 pour l'instant. Et pour finir ce JT Sport, on va parler du grand mythique Grand Chelem, ou plutôt événement planétaire de tennis, Roland Garros. Le français Joe Wilfried Tsonga débutera le Grand Chelem dès aujourd'hui sur le court central contre le français Édouard Roger Vasselin. Et je vous propose de l'écouter à propos de Roland Garros au micro de RMC. On assimile ça à la nuit, mais moi, quand je dis rêver, c'est pas forcément dans ce sens-là, c'est plus la journée à me dire « Ah, si seulement je pouvais gagner Roland Garros », et j'y ai pensé, je pense, un bon millier de fois. Ouais. Les Français et les Françaises Alizé Lim, Pierre-Hugues Herbert, Amandine S, Jérémy Chardy et Claire Feuerstein débuteront aussi leur tournoi dès aujourd'hui. Quant à Alizé Lim, elle affrontera tout de même Serena Williams, rien que ça, même si la Française s'entraîne à l'académie du coach de l'américaine. Federer, quant à lui, affrontera le 88e mondial, normalement sans difficulté pour le Suisse. Djokovic pourrait bien être un des favoris de ce tournoi, en sachant qu'il a remporté son duel à Rome contre Nadal, lui aussi en quête d'un 9e titre tout de même. Et c'est la fin du JT Sport, vous êtes à l'écoute du débrief sur Madness. Comme il dit, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle. Deux sorties ciné, deux musiques et un buzz, c'est bien sûr le JT Culture sur Madness la radio. On va parler du Festival de Cannes et on le sait, deux films ont fait polémique. Le premier, c'est Grâce de Monaco qui revient sur l'histoire de Grace Kelly et de son ultimatum à choisir Hollywood ou Monaco. Mais Welcome to New York a fait bien plus couler d'encre. On venait de l'évoquer dans les 7 infos. Alors, pour le connaître un peu plus, je vais vous en lire le court synopsis. Devereaux est un homme puissant, un homme qui manipule au quotidien des milliards de dollars, un homme qui contrôle la destinée économique des nations, un homme gouverné par une irrépressible et vorace appétit sexuel, un homme qui rêve de sauver le monde et qui ne peut pas se sauver lui-même, un homme terrifié, un homme perdu, regardez-le tomber. Un film donc très critiqué et à regarder en VOD, mais pour cette première des sorties ciné, on va chambouler notre programme. Car vous le savez, hier ce fut l'annonce du palmarès et la cérémonie de clôture du 60e festival de Cannes. Soyons donc plus centrés sur les réussites de ce festival. Mais déjà, un problème technique, du son mais pas d'image en salle Debussy, ce qui provoquera des huées de la part des nombreux journalistes. Place au palmarès donc, le grand prix a été décerné au film Le Meravigli de l'italienne Alice Foxcatcher, prix du jury ex aequo à Mommy de Xavier Dolan et Adieu au langage de Jean-Luc Godard. Le prix de la meilleure actrice a été décerné à Julianne Moore pour le film Maps to the Stars. Prix d'interprétation masculine à Timothy Spall pour Monsieur Turner de Mike Legg. Le prix de la caméra d'or a été décerné au film Party Girl de Marie Amashugeli, Claire Burger et Samuel Tess. La palme d'or du court-métrage a été décernée pour le film Lady de Simone Mesa Sotto. Et enfin, la palme d'or revient au film Winter Sleep du turc Nuri Bilge Ceylan, qui dédie ce film à la jeunesse et aux personnes qui sont mortes l'année passée lors des affrontements contre le gouvernement de l'AKP. On va parler aujourd'hui d'Afrojack et de Milky Chance pour les sorties musique. Et on commence avec le groupe d'électro néerlandais Afrojack qui a sorti un super album ce lundi. On s'écoute un court extrait du morceau Illuminate, électro mais complètement dans un autre style que les DJ sets dont on a l'habitude d'écouter. Bref, un véritable album très artistique. Thank you. sorti de la routine dance, même si l'album est osé. Bref, sur Madness, on aime l'originalité. On va 500 km plus loin pour rejoindre l'Allemagne et le groupe Milky Chance. Ils sont deux, un DJ et un chanteur, et se sont isolés dans une maison de campagne, comme l'avait déjà fait le groupe Fauve. Leur album sorti il y a 2 semaines seulement se nomme Sad Necessary, album de pop alternative montrant une jeunesse ambitieuse et bourrée de talent. On écoute un extrait de Stolen Dance, également programmé sur Madness, et qui est notamment sorti en décembre 2013. Love wants you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance alone. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Love wants you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance alone. Magnifique, un vrai succès. Ils passeront 3 fois en France pour des concerts à Clermont-Ferrand, Saint-Malo-du-Bois et Arles. 3 concerts programmés en Allemagne et en Suisse sont déjà complets et ça se comprend. Tout de suite, le buzz, et vous avez sûrement vu la vidéo d'un homme sauvant un enfant. Il n'y a pas de son, mais si vous l'avez raté, on vous en raconte les faits tout de suite. L'enfant est près de tomber du 2e étage d'un immeuble situé en Chine. Un homme est déjà présent sur le trottoir, juste sous le rebord de la fenêtre, et il guette le moindre geste du bébé, dont la mère est visiblement absente. Finalement, il chute. Heureusement pour lui, il est accueilli in extremis par les bras de ce héros du quotidien. Un homme était à ses côtés et une femme l'a immédiatement récupéré. Une caméra de surveillance filmait la scène qui fait le tour de la toile. C'est déjà la fin de ce JT Culture et on s'écoute tout de suite Coming of Age de Foster the People sur Madness. Madness. La radio, nouvelle génération. Madness. Déjà la fin de cette première du débrief. On reste bien sûr sur les réseaux sociaux, hashtag MDNS. Et on se retrouve dimanche prochain, même heure. Dans quelques instants, on s'écoute les Kings of Leon. N'oubliez pas notamment que durant toute la semaine, c'est Tony dans le Happy Evening, de 18h à 20h, avec les chroniques de Louis le mercredi et le vendredi. Kenny prend le relais jusqu'à 23h pour les couches tard. Bye bye.